Les joueurs coréens qui avaient participé au 9e championnat de judo de l'Asie-Est ont regagné le 7 couronnes la patrie par train. Au championnat tenu les 2 et 3 juillet en Hong Kong de Chine, avaient pris part plus de 130 joueurs et joueuses de 8 pays et régions comme Corée, Chine et Mongolie. Li Ji-yang a remporté la médaille d'or à la catégorie de 70 kg pour dames, la joueuse Park Woo-na, les joueurs Han Jae-yong et Kim Chul-kwang se sont classés 3e à la catégorie de 48 kg pour dames et aux catégories de 60 kg et 73 kg pour messieurs.